Chapitre 7e. La visite douloureuse. 3-4 jours se passèrent et personne ne se présenta à l'hôpital Lariboisière pour demander à voir le mystérieux blessé. Ce silence, sans étonner toutefois Martin Numa, ne laissa pas de le surprendre quelque peu. L'événement, par cela même, se compliquait. Il cherchait à établir plus logiquement à son habitude l'énoncé nouveau de ce problème inquiétant, lorsqu'il apprit qu'une femme et une jeune fille étaient venues demander à voir le blessé dans des conditions tout à fait anormales. Ces deux personnes se présentèrent le soir. Elles étaient vêtues de noir, un homme à grosse barbiche grise les accompagnait. Elles demandèrent à parler au directeur de l'hôpital, en secret, à lui-même, pour une communication de la plus haute gravité. Bien que l'heure des visites fût passée à l'hôpital depuis fort longtemps, et qu'à ce moment on admit auprès du directeur que les personnes recommandées ou accompagnées par quelques fonctionnaires ou un commissaire de police, le directeur voulut bien recevoir ces étranges visiteurs qui parlaient d'un cas spécial, d'une affaire grave. Il fit demander toutefois la raison qui leur faisait solliciter cette audience avant de la leur accorder. Quand il sut que c'était au sujet de l'explosion, il s'empressa de les recevoir. On avait dit au directeur quel intérêt la police attachait à la moindre piste, au moindre renseignement nouveau concernant cette affaire singulière. Il reçut donc ces étranges visiteurs dans une pièce de garde. La vieille dame entra, appuyée au bras de l'homme à barbiche grise, suivie de la jeune fille. Les deux femmes en deuil pleuraient, et ce fut leur compagnon qui parla, en leur nom. Il avait l'air d'un brave homme, un peu rude d'accent, et portait à la boutonnière la médaille militaire. « Monsieur le directeur, dit-il, je suis Dubois, employé, garçon de recette, au Crédit Bordelais. Je suis un vieux camarade d'Éloi Vidal, le doyen de nos garçons de recette qui a disparu d'une façon singulière et dont on n'a pas encore retrouvé la trace. Je connais cette affaire, en effet. À titre d'ami, Madame Vidal et sa fille m'ont demandé de les accompagner dans cette démarche douloureuse qu'elles viennent tenter auprès de vous. » Le directeur de l'hôpital avait présent à la mémoire le souvenir de la disparition singulière de cet Éloi Vidal, de cet événement qui causa dans Paris une si forte émotion, non calmée encore, et que de temps en temps les journaux rappelaient à leurs lecteurs anxieux. Ce fut donc avec le plus grand intérêt qu'il se disposa à écouter ce qu'allaient lui dire l'ami et la femme du garçon de recette disparu. D'autant plus qu'il ne voyait pas encore par quel point cette disparition d'Éloi Vidal pouvait se rattacher à l'explosion de la rue Lamartine. « Monsieur le directeur, reprit Dubois, Madame Vidal et sa fille, dont le chagrin est immense, sont toujours en quête de ce qui pourrait leur donner un indice, leur permettre de savoir enfin ce qu'est devenu ce malheureux Vidal. Je partage leur angoisse. Elles font des démarches répétées à l'Institut médico-légal. C'est pour elles un pèlerinage extrêmement pénible et douloureux, qu'elles entreprennent chaque fois qu'on annonce qu'un cadavre a été découvert. Elles vont toutes deux voir le malheureux avec le doute cruel, l'angoisse, de reconnaître en lui le mari et le père, et avec cette espérance à la fois de ne pas le retrouver, en même temps d'en avoir fini avec ce poignant cauchemar, cette inquiétude qui les tue lentement. Je vous plains sincèrement, mesdames. La nouvelle de l'explosion est arrivée jusqu'à elles. Elles ont appris en outre qu'à l'hôpital se trouvait un blessé ramassé dans les décombres, un blessé trouvé là mystérieusement, enlevé dans les conditions les plus dramatiques. On leur affirme que ce blessé, soigné ici depuis l'explosion du souterrain, n'a reçu la visite de personne, d'aucun parent, d'aucun ami. C'est exact. Cela leur a paru anormal, et c'est en vérité extraordinaire. Alors, elles s'en sont inquiétées. Elles se sont dit que peut-être ce malheureux était celui qu'elles pleurent, celui dont elles ne veulent pas accepter la disparition définitive et qu'elles comptent toujours retrouver. Le directeur s'inclina et l'ami d'Éloi Vidal reprit. « Nous avons demandé, monsieur le directeur, à vous voir en secret. Vous en devinez la cause et nous vous remercions d'avoir accédé aussi aisément à notre désir. » C'était tout naturel. Ces dames pensent qu'Éloi Vidal, pour avoir ainsi disparu tout à coup, en pleine force, en pleine santé, un jour de forte échéance, doit être tombé dans un guet-apens. nous aussi à la banque, ces vieux camarades qui le connaissons depuis tant d'années, qui savons quel homme de droiture, de dévouement et d'honneur est Éloi Vidal, nous ne pouvons admettre l'hypothèse d'une fuite, d'un enlèvement, ni croire à une aberration mentale qui aurait fait d'Éloi Vidal, cet homme de devoir, soudainement un malfaiteur. Nous croyons aussi au crime, et comme Madame Vidal, ce soir, m'a communiqué son désir de venir vous voir, je n'ai pu que l'approuver et lui dire que j'allais l'assister dans ses démarches douloureuses en l'absence de Sylvain, le futur gendre. Très bien. Pour ces dames, monsieur le directeur, elles gardent cette croyance qu'Éloi Vidal a été attiré, entraîné, et qu'on le détient prisonnier. Selon toute logique, en effet, si on l'avait tué, on aurait retrouvé les traces de cet assassinat. Comme aucun indice n'est venu à la connaissance de la police, comme l'homme le plus adroit, le plus fin, M. Martin Numa, roi des détectives, n'a rien trouvé, c'est que, évidemment, ce crime n'a pas été commis, que l'assassinat n'a pas eu lieu. Donc, Éloi Vidal est vivant. Le directeur dit alors, « Vous supposez que ce blessé peut être Éloi Vidal ?» Remarquez, monsieur le directeur, combien cette supposition est acceptable en principe. Je vous écoute. L'explosion a eu lieu dans la rue Lamartine. Or, cette rue, sans être dans la périphérie du service d'Éloi Vidal, y touche. Elle est toute voisine des rues de Provence, de la Victoire, où le passage d'Éloi Vidal a été signalé en dernier lieu, où les dernières traites ont été présentées par lui, à peu près à l'heure où généralement il finit sa tournée, l'heure à laquelle il rentrait à la banque faire ses comptes. Très juste. Ensuite, donc, rien n'est plus facile que d'admettre qu'Éloi Vidal a pu être attiré, par une raison qu'on saura plus tard, jusqu'à la rue Lamartine et là, mis dans une chambre, séquestré, et gardé dans un refuge quelconque, enfermé dans une cave, tenu là prisonnier jusqu'au moment où ceux qui l'ont attiré dans ce guet-apens et dépouillé auront eu le temps d'établir définitivement leur coup, de tirer le bénéfice de leur forfait et de mettre entre eux et la police française une frontière lointaine et sûre. Ensuite, monsieur, ce jour-là, c'est toujours dans les suppositions que ces dames font et que mes camarades et moi partageons à la banque, ce jour-là, dis-je, Éloi Vidal, délivré par quelques complices, aurait été rendu à la liberté sans pouvoir désigner ceux qui ont commis ce forfait, sans autre moyen de vengeance que d'indiquer peut-être l'endroit où on l'avait séquestré. Cela peut s'admettre, en effet. Admettons que cela soit. Il est certain qu'Éloi Vidal, prisonnier, a dû faire tout son possible pour essayer de gagner la liberté, naturellement. Peut-être, est-ce en essayant de percer un mur de sa prison qui devait être dans une cave, dans un sous-sol, d'où l'on ne pouvait entendre ses cris, peut-être, en essayant de se frayer un passage d'une façon quelconque, le pauvre homme a-t-il atteint un tuyau de gaz et provoqué cette explosion par un moyen que nous ignorons? Ce sont, monsieur le directeur, les suppositions que nous faisons, et si invraisemblables qu'elles paraissent au premier abord, elles ne présentent rien qui soit impossible et inadmissible à l'examen. J'en conviens. Donc, ces dames viennent ce soir vous demander de les laisser approcher de ce blessé mystérieux, abandonné de tout le monde, que personne ne connaît, dont l'identité ne peut être établie, et qui se trouvait, par une coïncidence aussi surprenante qu'étrange, dans ce souterrain où l'explosion a eu lieu. Ces dames gardent cette conviction qu'un homme ne pouvait être dans ce souterrain de bonne volonté, et que nécessairement on l'y tenait malgré lui. De là, leur espérance de reconnaître, dans ce malheureux blessé, le prisonnier Vidal, que nous cherchons. Peut-être, dans la confrontation que nous vous prions de nous accorder, reconnaîtrons-nous Éloi Vidal et aurons-nous la clé du mystère extraordinaire de sa disparition. Le directeur répondit « Ce que vous me dites, tout en paraissant au premier abord en effet fantastique, revêt en l'examinant de près une vraisemblance assez grande. Cette supposition d'Éloi Vidal prisonnier et tenu dans une cave secrète, cette autre supposition de la tentative de fuite, et de cette explosion provoquée par le prisonnier cherchant la liberté, peuvent soutenir en effet l'analyse. Mon devoir est de contribuer à faire naître la lumière sur cette étrange affaire. Oui, monsieur le directeur. Rien ne s'oppose donc à ce que Madame Vidal, sa fille et vous-même, monsieur, soyez mis en présence du malheureux blessé porté ici à la suite de cette explosion, dans un état lamentable. Vous avez bien fait de venir me trouver, et je suis tout disposé à vous seconder dans la poursuite de votre désir légitime. Nous vous en serons bien reconnaissants, monsieur le directeur. » L'ami des lois Vidal reprit. « Nous sommes venus vous trouver ce soir en secret, afin de ne pas ébruiter l'objet de notre visite, afin qu'on ne sache pas que la femme et la fille des lois Vidal sont venues ici espérant reconnaître dans cette victime l'absent, afin de ne pas entraver l'action de la justice pour le cas où leur espoir serait couronné de succès, ou bien hélas, s'il fallait se replonger dans la douleur, qu'on ne les trouble pas dans leur peine. Très bien, vous avez agi avec prudence et discernement, et on ne peut qu'approuver votre conduite. Il n'est pas nécessaire en effet de soulever à nouveau cette affaire dans la presse, et de voir encore ces malheureuses femmes, trop éprouvées, assaillies des mains par une nuée de reporters sans souci de la douleur de ceux que le malheur a frappés et qu'une triste notoriété accable. Vous pouvez compter que ces dames seront mises en présence du blessé dès demain et que toute la discrétion nécessaire entourera cette démarche. « Pourquoi pas ce soir ?» demanda la femme d'Éloi Vidal. « Parce que le blessé n'est plus ici, madame. Il a été transporté à l'Hôtel-Dieu. Il est impossible par conséquent ce soir de vous ménager cette entrevue. » Mais je vous ferai savoir demain, à la première heure, à quel moment vous aurez à vous présenter à l'Hôtel-Dieu. Je n'ai pas à vous recommander, donc, de garder demain la même discrétion qu'aujourd'hui et de vous arranger à laisser secrète la visite que vous ferez à l'Hôtel-Dieu. » Puis il congédia ses visiteurs. Un moment après leur départ, il quittait lui-même l'hôpital Lariboisière, puis se rendait à l'Hôtel-Dieu, où il avait avec Martin Huma une entrevue immédiate. Le roi des détectives était couché quand le directeur de l'hôpital Lariboisière fut introduit dans sa chambre. Il alluma une cigarette et écouta le récit que lui fit le visiteur. Puis il dit « La charité nous fait un devoir d'accorder à ces braves gens cette entrevue, mais je tiens pour certain qu'elle restera sans résultat et que leur démarche, une fois de plus, sera vaine. Vous ne croyez pas que ce blessé peut être Éloi Vidal ? Je crois même pouvoir vous dire que, comme le cadavre que nous avons déjà examiné au début de cette affaire, ce n'est pas Éloi Vidal. Ce ne peut être lui. Vous admettez cependant l'assassinat, la disparition du cadavre? Comment l'a-t-on détruit? En le brûlant? Martin Huma secoua la tête. Je n'admets rien, je ne fais aucune supposition, je cherche. Mais je crois pouvoir déclarer que même si l'on avait assassiné Éloi Vidal et brûlé son cadavre, il est certain que nous aurions retrouvé aujourd'hui quelque chose. Nous saurions où le cadavre a été brûlé et par qui il a été brûlé. Probablement. Or, si le crime avait été commis, comme il n'aurait pas été commis bien loin du cercle dans lequel Éloi Vidal faisait ses encaissements, nous aurions aujourd'hui des indications certaines sur l'accomplissement de l'assassinat. Nous saurions en effet, de façon indéniable, qu'Éloi Vidal a été assassiné. Or, mes hommes et moi, nous avons très longuement et très minutieusement étudié le quartier. Nous connaissons, pour ainsi dire, pièce par pièce, tous les immeubles entrant dans le service d'Éloi Vidal, et nous serions à même de renseigner le bonhomme Noël sur les cheminées, les pièces et les calorifères de tout ce quartier. J'en suis persuadé. Nous sommes absolument sûrs qu'il est impossible, même dans les cuisines des restaurants, dans les fours des boulangers, dans les grandes bouches de chaleur, de faire disparaître un homme corpulent comme l'était Éloi Vidal, sans que l'odeur de la combustion de ce cadavre n'ait révélé l'accomplissement du crime. Donc, à votre avis, Éloi Vidal n'a pas été brûlé. Il a été alors enterré, enfoui dans une cave. Quant à avoir été enterré dans une cave, autre hypothèse, très admissible en apparence, mais nous nous heurtons encore à une impossibilité matérielle. Laquelle ? On ne peut faire entrer dans un immeuble, la nuit surtout, en plein jour même, à la faveur d'un déménagement, une caisse comme celle qu'il eût fallu pour enfermer Éloi Vidal. On ne peut la faire entrer dans un immeuble, ni comme une armoire à glace, ni comme meuble précieux. Or, nous avons pris des renseignements certains sur tous les emménagements et les déménagements qui se sont opérés dans ce quartier depuis la disparition d'Éloi Vidal. Le directeur souleva cette objection. On aurait pu le couper en morceaux, comme il est très à la mode en ce moment. Le découpage en morceaux est le moyen le plus simple de se faire pincer. Vous en avez la preuve. Et aujourd'hui, si Éloi Vidal avait été découpé, nous saurions où cette opération a été faite, comment et par qui. Très possible. J'ajoute qu'admettant qu'Éloi Vidal ait été assassiné et découpé, il aurait encore fallu creuser la tombe dans une cave de ce quartier, naturellement. Je crois pouvoir affirmer que dans nos perquisitions dans tout ce quartier, les immeubles du secteur des Lois Vidal, nous avons vu qu'il était impossible de creuser une fosse dans laquelle le garçon de recette aurait pu être enfui, sans donner l'éveil aux locataires. Vous devez croire alors qu'Éloi Vidal a pu être gardé prisonnier, et que selon la force des choses, il pourrait se faire que ce fut lui la victime de l'explosion. Martin Numa secoua encore une fois la tête et dit en riant « Ici, je suis à même, plus que tout autre, de vous affirmer que notre blessé ne peut être Éloi Vidal. Pourquoi ?» Admettre qu'en plein Paris, on puisse ainsi séquestrer un homme est pure folie. D'abord, les malfaiteurs qui auraient attiré Éloi Vidal dans un guet-apens pour le dévaliser ne s'amuseraient pas à le conserver ainsi dans une cave, sachant très bien qu'un jour ou l'autre, il faudrait se décider ou à le supprimer tout à fait ou à le laisser partir. C'est clair. Quant à le supprimer, il était plus simple de le faire du premier coup. Or, le garder vivant, avec la crainte de le voir fuir, dénote une telle sottise que cette hypothèse ne supporte pas un instant l'analyse. Je partage votre avis. Je vous le dis, les malfaiteurs d'aujourd'hui sont autrement intelligents et autrement adroits que cela. Cependant, dit le directeur, il faut admettre une des deux hypothèses, ou Éloi Vidal est mort, ou Éloi Vidal est vivant. Martin Numa se mit à rire et répondit « Nous pourrions fort bien concilier ces deux hypothèses, dans le cas dont il s'agit, et faire qu'Éloi Vidal pourrait être à la fois les deux, le mort et le vivant, car l'homme que nous gardons en traitement est bien vivant au terme précis du mot. Il vit, puisqu'il respire, que son cœur bat, mais il est vraiment tel qu'un cadavre et c'est à désespérer de le voir revenir à la vie. » À son tour, le directeur se mit à sourire et dit « En effet, nous avons là un vivant qui est mort, un homme cadavre. » Puis il ajouta « Mais puisque nous sommes sur ce chapitre, quelle est votre opinion ?» Martin Numa regarda le directeur et, pour toute réponse, lui dit « Monsieur le directeur, si vous demandiez à un médecin lorsqu'on apporte chez vous un malade à toute extrémité, pouvez-vous m'affirmer que cet homme vivra ? Le médecin, s'il est raisonnable, vous dira « Je ne puis rien affirmer. Selon le principe sacré d'Ambroise Paré, je vais le penser d'abord, et ensuite Dieu le guérira, si cela lui fait plaisir. Il en est de même pour moi. Pour mes enquêtes, lorsqu'une affaire comme celle-ci se présente et qu'on me demande « Que pensez-vous ? Trouverez-vous la victime ? Arrêterez-vous l'assassin ?» Je ne puis que répondre « Je vais d'abord faire consciencieusement mon travail, accomplir mon devoir, et le Dieu d'Ambroise Paré me donnera la solution s'il le juge à propos. Jusque-là, je ne puis rien dire. » Le directeur de l'hôpital Lariboisière se rendit à ce raisonnement très clair, et après avoir fixé avec Martin Numa l'heure à laquelle on pourrait admettre Madame Vidal auprès du blessé, il se retira. Le lendemain, à l'heure dite, Madame Vidal et sa fille arrivèrent à l'hôtel Dieu. Le directeur qu'elles avaient vu la veille arriva presque en même temps qu'elles.